commencer à paix avec les autres de ce fameux atelier. RIP, voilà où j'étais. RAP, voilà ce que je fais. Le rappeur qui nous a aidé venait de Toulouse, du 5 car je les connais. C'est plus proche que 9-5-5. Pour 5 vers plus 5, verrez, tu trouveras son blaze. D'autres mecs rappés qui ont dit stoppé plutôt. Mais bon, ça je regrette pas d'avoir commencé. Ça je l'ai pas oublié. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu, que j'ai faites, qui sont restées gravées. J'ai pas oublié, j'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu, que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. Oublié ce qu'on m'a dit sur l'histoire de mon pays d'origine, même si je suis né en France. Tout ce qu'on m'a appris sur toutes ces tribus, sur le fameux masque que j'ai vu chez nous, toutes ces explications sur l'esclavage passé et sur les mauvaises passes que connaissent beaucoup d'immigrés dans ce pays. Je suis conscient maintenant que beaucoup de gens redoublent d'efforts pour sortir de cette putain de galère. Ça se peut y compter, j'ai pas oublié. Car ces gens veulent s'en sortir et ont la volonté. Malheureusement, tout le monde n'y arrive pas. Certains pas beaucoup de tous sont trop usés et crevés, ça faut pas l'oublier. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu ou que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu ou que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. J'ai pas oublié qu'on m'a dit sur l'histoire de mon pays d'origine, même si je suis né en France. Tout ce qu'on m'a appris sur ces tribus, sur le fameux masque que j'ai vu chez nous, ces explications sur l'esclavage passé, sur les mauvaises passes que connaissent beaucoup d'immigrés dans ce pays. Je suis conscient maintenant que beaucoup de gens redoublent d'efforts pour sortir de ces putains de galères. Ça qui peut y compter, je l'ai pas oublié. Car ces gens veulent s'en sortir et ont la volonté. Malheureusement, tout le monde n'y arrive pas. Certains n'ont pas beaucoup de thunes, nous autres baissés et crevés, ça faut pas l'oublier. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu, que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu, que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. Beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu, que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié là où je suis né. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. Y'a beaucoup de choses qu'on m'a dit, que j'ai vu, que j'ai faites, qui sont restées gravées, que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié tout ça, c'est resté gravé en moi. CJ ALX au mic, j'ai pas oublié.